Mon âme loue la grandeur du Seigneur et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu mon Sauveur, car il a baissé son regard sur moi. Mon âme loue la grandeur du Seigneur et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu mon Sauveur, car il a baissé son regard sur moi. Je ne peux que l'aimer, le servir, lui seul et l'adorer, me prosterner à ses pieds et devant sa majesté. Hosanna, Hosanna, Hosanna, un sauveur nous est né. Hosanna, Hosanna, Hosanna, un fils nous est donné. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Jésus le Fils de Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sera appelé prophète du Très-Haut, car il marche devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, le pardon de ses péchés, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Hosanna, un fils nous est donné. Hosanna, Hosanna, Jésus le Fils de Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, un sauveur nous est né. Hosanna, Hosanna, un fils nous est donné. Hosanna, Hosanna, Jésus le Fils de Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.